Bon, alors je me propose ce soir de continuer ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire d'essayer de tirer à la fois les conséquences et de cerner les attendus de la thèse, je dirais, à la fois la plus massive et la plus inapparente de l'interprétation du rêve, la thèse que j'ai numérotée 1, comme ça, selon laquelle, comme ça, il y aura un concept du rêve au singulier, qu'on pourrait comme ça traiter comme une... sur lequel on pourrait poser la question que pose Freud, hein, qui est la question de l'essence du rêve. En vous rappelant que justement, une des choses les plus curieuses qu'on a, c'est que le mot de Traumdeutung n'existe pas chez Freud, il parle toujours du Traumbuch, sauf dans le titre. Et c'est pour ça qu'on pense qu'en fait, c'est pas un titre de Freud, que un certain nombre d'historiens pensent que c'est un titre qui a été proposé par l'éditeur, et que Freud a évidemment adopté à cause de son caractère légèrement provocant, hein, puisque Traumdeutung, c'est vraiment l'oniromancie, hein, c'est le truc des gitanes qui lisent dans les mains, dans les rêves, dans le marc de café, etc. Et que ça n'est pas justement en allemand, semble-t-il, après ce qu'on m'a raconté de l'époque, le nom attendu d'un traité scientifique, bien au contraire. Hein, il y a vraiment une... Donc je vais essayer de travailler sur cette question que Freud appelle vraiment celle de l'essence du rêve, hein, au point que, finalement pas tellement longtemps après, dans les années 30, Karl Popper s'interroge sur l'idée farfelue qui avait pu frapper un naturaliste et un homme de science comme Freud de parler de l'essence du rêve, chose qui, déjà dans les années 30, fait super bizarre. Parce que la soudaine irruption et domination du paradigme néo-positiviste dans les sciences a totalement balayé dans la figure du naturalisme scientifique une interrogation sur l'essence des phénomènes. Elle ne s'interroge pas sur l'essence de l'électricité, l'essence du rêve, ou l'essence. Le Wesen est absolument perdu. Cette qualité qui est encore présente chez les gens de la génération de Freud, qui est une interrogation de type à la Goethe, hein, sur l'essence des couleurs, sur l'essence des éléments ou des choses de ce genre. C'est un naturalisme vraiment qui est un naturalisme qui, d'avant la guerre de 14, on peut s'autoriser des questionnements sur l'essence des choses. Bon. Et déjà, dès les années 30, ce naturalisme là était déjà inintelligible à la nouvelle génération du néo-positivisme logique et des critiques du néo-positivisme logique, Stein, Popper, etc. Donc pourquoi parle-t-il d'essence? Alors il parle d'essence en deux sens, et c'est ça que je vais essayer d'articuler, parce que c'est ça qui est en réalité extrêmement difficile à saisir et qui a donné lieu, et qui donne lieu toujours d'ailleurs, à une difficulté essentielle qui est à la fois la source de création des théories du rêve en psychanalyse, et puis un enjeu permanent de la signification, de la validité rationnelle de la psychanalyse et de l'interprétation du rêve. Alors il en parle d'abord au sens d'une unité de sens, n'est-ce pas ? Le rêve, c'est une unité de sens qui se tient toute seule, et dont le critère assez curieux et pourtant extrêmement phénoménologique et concret que donne Freud pour dire que le rêve a bien évidemment une unité de sens, c'est que c'est présent dans le langage ordinaire. C'est présent dans le langage ordinaire, et il utilise un argument tout à fait frappant à cet égard, en disant qu'il nous arrive assez souvent de nous réveiller le matin en sachant que nous avons rêvé. Mais ce que nous avons rêvé, nous ne nous en souvenons plus. Et ce petit fait, il l'utilise comme un argument contre une théorie mécaniste extrêmement dominante à l'époque des théoriciens du rêve, des gens qui réfléchissaient sur le rêve, et qui disaient que le rêve était l'effet des stimuli corporels ressentis dans le sommeil. Ce que dit Freud, c'est que si c'était vrai, si c'était soit un problème digestif, une excitation sexuelle, un malaise, ou la jambe qui sort du lit, ou que c'est quoi. Et effectivement, quand vous lisez, quand si vous ouvrez le livre de Jacqueline Carroix sur les théories du rêve avant Freud, Freud au XIXe siècle, ce sont des objets qui sont explicitement considérés. C'est-à-dire comme étant, qu'est-ce qui cause ces images du rêve? Ce sont ces stimulations physiologiques. Freud dit qu'on n'aurait pas du tout, on se rappellerait de quelque chose qui pourrait être en rapport avec une stimulation corporelle, mais cet effet de sens global de savoir qu'on a rêvé, qu'on a eu une expérience à proprement psychique, mais que son contenu a disparu, serait totalement inintelligible. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important, parce que on voit très bien que c'est ce qui est saisi dans l'idée de rêve chez Freud, c'est le fait que moi j'ai rêvé. Même si je ne sais pas de quoi j'ai rêvé, je sais que j'ai rêvé, que j'ai été dans un état psychique tel que, dont le contenu lui-même peut avoir éventuellement disparu. Et c'est un critère assez amusant, parce qu'au fond, on le retrouve sous cette version plus ou moins phénoménologique, mais qui consiste à dire qu'on ne peut pas, nous ne faisons pas l'expérience d'avoir eu des stimuli mentaux déclenchés par des stimuli physiques, pas du tout. Nous faisons l'expérience d'avoir rêvé et que ça a une unité de sens, ça s'interpose dans le cours de notre vie psychique comme un événement qui est de plein droit, comme j'ai dîné, j'ai fait l'amour, ou ceci ou cela. Il y a vraiment là une sorte d'acte qui s'est passé et qui a sa continuité propre. Simplement, ça ne suffit pas. Parce que dans Wesen, au sens de l'essence du rêve, Freud introduit également la notion d'objet. C'est-à-dire, l'essence du rêve, c'est ce de quoi l'interprétation du rêve peut être vraie ou fausse. Ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste énormément là, dans mon vieux bouquin, parce qu'elle est souvent mal mise en évidence, mais c'est qu'on interprète le rêve d'un rêveur, et c'est au rêveur de valider si l'interprétation est vraie ou fausse. C'est-à-dire que le rêve a une consistance propre, hein, et que le rêve, c'est ce qui rend vrai ou faux l'interprétation que je fais de lui. On peut s'y référer. Il y a une vision, il y a une conception, une posture réaliste en matière d'interprétation. Épistémologiquement, ce qu'on appelle une posture réaliste, c'est l'idée qu'au fond, il y a un réel en dehors de moi qui dit oui ou non à mes interprétations, qui dit c'est vrai ou c'est faux, et sur lequel, et ce n'est pas moi par mon interprétation qu'il fabrique ou qu'il crée, c'est quelque chose qui valide ou invalide, corrobore ou ne corrobore pas mes inférences. Ça permet quelque chose qui pose évidemment un problème majeur dans les conceptions contemporaines de la psychanalyse. Ça permet à Freud de dire que le rêve est aussi cet objet-là dont l'interprétation peut être vraie ou fausse et qui ne va pas se confondre, par exemple, avec la névrose. Au début du rêve dit de la Belle Bouchère, par Lacan, par exemple, il fait très bien cette distinction entre ce qu'est interpréter un rêve et ce que c'est qu'interpréter la névrose. Et qu'il ne faut pas confondre l'interprétation du rêve de la Belle Bouchère avec l'interprétation de la névrose de la Belle Bouchère. Donc, même si le rêve est le rêve d'une hystérique, qui est une des patientes de Freud, il y a des consistances d'objets distincts appelant des niveaux, des stratégies d'interprétation qui sont eux-mêmes distinctes. Et cette posture réaliste en matière d'interprétation est évidemment essentiel, puisque il faut pas oublier, alors évidemment pour nous c'est pas possible de le penser comme ça, parce que moi d'essayer de faire à peu près ce que je fais, hein, c'est-à-dire d'essayer de reprendre l'interprétation du rêve comme si nous étions ses premiers lecteurs et que nous étions introduits à la psychanalyse par la lecture de la trame d'Huitung, à moins d'essayer de faire cette chose-là, mais qui est évidemment un petit peu artificielle, en oubliant tout ce qui s'est dit après sur le rêve. C'est essentiel dans la démarche pédagogique de Freud, puisque l'interprétation du rêve, c'est ce qui prépare, c'est ce sur quoi on s'exerce pour ensuite devenir capable d'exercer son talent interprétatif sur des symptômes névrotiques. Et que c'est absolument manifeste à l'époque, c'est très clair et ça va durer jusque dans les années 20, au moment où les standards de formation des psychanalystes sont fixés à Berlin, comme ça, et c'est tous ces gens qui vont ensuite partir aux États-Unis, c'est que en quoi consistaient les analyses? Fondamentalement, en une analyse des rêves, et on ne considérait pas que les gens, les médecins, ne pouvaient évidemment pas, c'était pas exactement tout à fait aussi clair que ça, mais on ne considérait pas a priori que les gens venaient en analyse avec un problème névrotique et qu'en travaillant sur le problème névrotique, il pouvait devenir analyste. C'était pas du tout comme ça que c'était vu, c'était effectivement ce qui se passait certainement. Mais c'était qu'on leur apprenait de manière extrêmement didactique à analyser des rêves en fonction des... Et c'était sur la base de l'interprétation des rêves qu'ils devenaient capables d'interpréter des névroses. Et donc, il faut bien penser que toutes les premières générations d'analystes qui ont créé le mouvement analytique international se sont beaucoup plus intéressés finalement à leurs propres rêves qu'à leurs symptômes, puisqu'au fond, on ne les intéressait pas, ou peu, relativement peu d'entre eux, et de toute façon, ils n'en faisaient pas étalage, à l'auto-analyse de leurs symptômes névrotiques. Et c'est pour ça aussi que les analyses duraient très peu de temps, puisque, au fond, c'était de plus en plus considéré comme un exercice, une technique qui pouvait se maîtriser. Une fois qu'elle était maîtrisée sur les rêves, ça ne posait aucun problème de l'appliquer au reste, d'une part, et que, d'autre part, ça ne durait pas très longtemps, dans la mesure où le problème était beaucoup plus de savoir comment on pouvait traduire, ça c'est Andreas Mayer qui a attiré l'attention là-dessus, comment on pouvait traduire dans toutes les langues du mouvement analytique international le langage des symboles qui était dans ces années-là encore, dans l'édition jusqu'en 1911 je crois, un volume important du livre. Il y avait 100 pages de Stekel sur l'analyse des symboles. Et donc c'était ça qui était au cœur des choses. Il faut penser à ça quand vous lisez les premiers psychanalystes. Ça n'a rien à voir avec des gens qui ont fait évidemment 10, 15 ou bien plus encore d'années de divan et qui ont travaillé sur des problématiques personnelles. Ce sont des techniciens du déchiffrement psychanalytique des rêves qui leur sert à comprendre. Et c'est pour ça aussi, vous voyez, qu'ils n'ont aucun scrupule à parler aussi bien d'un patient que d'un roman ou d'une œuvre de la culture. Parce qu'au fond, pour eux, et en plus à se sentir les détenteurs d'un savoir technique spécifique. Parce que c'est comme ça qu'ils sont formés, et c'est ce que Freud a montré. Tout ça, ça veut aussi dire qu'il y a une relation au rêve qui est éminemment réaliste. Alors ça, c'est la première dimension, n'est-ce pas, de l'essence du rêve, unité de sens, objet dont l'interprétation peut être vraie ou fausse. Et puis, il y en a une deuxième dimension de l'essence qui est la dimension qui porte sur le fait du rêve. Ce que j'ai envie de... Alors on dit tat, je dirais volontiers plutôt, j'emploierais le mot que Kant emploie pour la science et pour la morale, qui sont des factum, qui sont des faits de la raison, c'est des faits de la raison. On ne peut pas nier l'existence qui est de la morale et de la science, et la raison est confrontée au fait qu'elle prend ces formes-là, la science moderne, les sciences newtoniennes, et puis la morale. Dans la psychanalyse, le rêve a la qualité de ce fait organisateur fondamental. Et que ce fait du rêve soulève une question qui est soulevée au début du chapitre 7, où, vous savez, l'histoire de père, de l'enfant qui brûle et de l'enfant qui tire dans le rêve la mange de sang, il y a des déluges d'interprétations sur ce truc-là. On oublie la fonction de cette chose-là. La question que pose Freud à ce sujet, c'est pourquoi le père a fait un rêve. Pourquoi il a fait un rêve plutôt qu'un réveil angoissé, plutôt qu'un symptôme, plutôt que... Pourquoi c'est un rêve qui a été fait avec ces choses-là? Pourquoi, en effet, un accomplissement de désir devrait-il produire, et dans quelles circonstances concrètes et pratiques, plutôt un rêve qu'un symptôme, plutôt un symptôme qu'un trait d'esprit, plutôt un trait d'esprit qu'une inspiration esthétique, etc., etc. C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle ça va faire du rêve? Ou une crise d'angoisse, ou tout ce que vous voulez. Parce que accomplissement de désir, oui, si l'inconscient est comme il est défini, on pourrait, bien sûr, il sert à expliquer tout ça, mais alors la question, c'est de savoir pourquoi il construit, et ça produit un rêve. Et la question de l'appareil psychique dans la première édition de l'interprétation du rêve, de l'appareil psychique du livre 7, répond non pas à ne reprend absolument rien d'autre qu'à ceci, la question de savoir pourquoi c'est un rêve qui est produit dans telle et telle circonstance. Et c'est non seulement un rêve, mais à plusieurs endroits c'est clairement énoncé. L'autre chose que produit l'appareil psychique et n'est pas censé en produire d'autres, c'est l'hallucination hystérique visuelle. Alors, les hallucinations hystériques visuelles, qui étaient très banales dans la clinique de l'époque, à peu près la seule chose qu'on peut essayer de trouver qui n'y correspond à ça, c'est ce qui se passe dans les états amoureux, lorsque tout d'un coup, vous pouvez avoir l'impression de la présence ou visualiser la présence d'un être aimé perdu ou dans un deuil, dans une pièce, là. Et c'est une sorte de présence imaginaire qui est une hallucination en général d'une grande intensité visuelle mais évanouissante, comme c'est décrit par les gens, dans l'espace commun. Ça ne déchire pas l'espace perceptif. Par exemple, si c'est dans le métro, la personne va être assise sur un des bancs du métro et on la voit reposer son corps bien logé dans le logement du fauteuil, et puis cette hallucination disparaît. Comme ça. C'est un exemple d'hallucination visuelle hystérique. Alors, c'est souvent décrit dans la littérature psychiatrique, dans ce qu'on appelle les états crépusculaires de l'hystérie. Mais le problème des états crépusculaires, c'est qu'ils ont aussi souvent des causes toxiques et neurologiques, donc c'est pas extrêmement clair. Bon. Enfin, toujours est-il, pourquoi ça fait image, et pourquoi ça fait une image auquel on croit avec l'intensité propre à ce que c'est qu'un rêve dans lequel on est. Alors, quels sont les enjeux cliniques et pratiques de cette caractérisation du rêve ? D'abord, l'attitude qui est choquante pour le... quelles que soient les écoles de psychanalyse contemporaine, dire que le rêve, c'est ce de quoi l'interprétation est vraie ou fausse, ça fait extrêmement étrange. On aurait plutôt l'impression que l'interprétation n'a rien à voir avec quelque chose qui se vérifierait empiriquement ou qui serait corroboré par un rêve qui trouverait ou ne trouverait pas son sens interprété de telle et telle manière. Ça a un côté comme ça extrêmement empirique, d'objectivisme scientiste pratiquement, cette approche. Faut pas oublier que c'est tout simplement parce qu'on est en contexte de découverte. Quand on découvre un objet, ça c'est un trait universel, que vous soyez en mathématiques ou en psychanalyse, quand on découvre un objet, l'attitude du découvreur est toujours réaliste. Comme on dit, par exemple, je parle des mathématiques, c'est pas le réel, au travail, le mathématicien est réaliste. C'est-à-dire que quand il écrit des équations, il essaie d'attraper les propriétés topologiques de quelque chose, il parle en disant qu'il est en train de dépioter un espace, etc. Il parle de son objet comme de quelque chose qui est en dehors de lui, et dont il essaie, avec des procédures formelles, de... Quand il est avec ses collègues, il est formaliste. C'est-à-dire, j'ai proposé telle et telle construction, et tout ça, ce sont effectivement que des effets de symboles, des choses, etc. Mais quand on cherche, on ne peut trouver que si ce qu'on trouve n'était pas déjà impliqué, en quelque sorte, ou une sorte de conséquence purement analytique du développement de ces équations. Il faut qu'on ait bien le sentiment de rencontrer quelque chose. Et il n'y a aucune démarche scientifique de découverte qui puisse se passer d'être réaliste. C'est pour ça que ce qui est pardonnable et ce qui est nécessaire chez Freud, en tant que découvreur de l'inconscient, est nécessairement pris dans ce schéma réaliste. Parce que vous ne pouvez pas penser, il ne peut pas penser autrement qu'en se disant, par mes concepts, j'attrape une certaine réalité. C'est seulement ceux qui héritent de ce type de savoir qui peuvent se permettre d'avoir des spéculations sur, au fond, cette réalité, elle est produite par l'interprétation, elle est produite par... elle n'est pas elle-même quelque chose qui est consistant. Il y a des moments comme ça dans l'histoire de la psychanalyse. Les nœuds broméens, par exemple, c'est assez typiquement quand on voit Lacan essayer de s'appuyer sur des propriétés intrinsèques des nœuds broméens, on voit qu'il y a un moment réaliste où il attribue à des figures topologiques des propriétés qui étaient contre-intuitives, qu'il découvre, qui n'étaient pas impliquées par les concepts au départ, et qui, voilà, se trouvaient des possibles ou des impossibles, à la recherche, excusez-moi, de cet effet réaliste. Et donc, le réalisme du rêve, au sens où c'est ce dont l'interprétation est vraie ou fausse, il est impliqué par la démarche de découverte. Et évidemment, il est extrêmement séduisant, parce que toute personne qui lit la trame d'Oitung se dit, voilà, il a mis la main sur des objets empiriques qui valident les hypothèses qu'il fait au sujet de ces hypothèses, de ces concepts. La deuxième chose, c'est que une exigence s'est remarquablement perdue dans l'histoire de la psychanalyse, et c'est une exigence que j'essaie de vous faire sentir, mais je sais bien que ça fait un peu bizarre de la poser, parce que au fond, je ne l'ai jamais vraiment vu thématiser, et pour des raisons qui entraînent l'histoire de la psychanalyse, c'est quand même la question de savoir, quand on a un patient sur le divan, pourquoi, au lieu de faire un symptôme, ou une crise d'angoisse, ou un mot d'esprit, il a fait un rêve. C'est une question qui n'est pas soulevée. Les gens racontent des rêves. Immédiatement, on saute sur l'interprétation du rêve. C'est-à-dire qu'on ne se demande plus ce que Freud se demandait, c'est « Mon Dieu, pourquoi ?» Il a fait ici un rêve avec ce matériau, alors qu'avec le même matériau, comme nous savons bien, il fait une obsession, une phobie, une paralysie hystérique, etc. Et pourquoi il a fait un rêve plutôt que aussi des choses qui ne sont pas nécessairement pathologiques, comme, je sais pas, un poème, par exemple, même si vous avez un patient, ou une... n'importe quoi d'autre de ce genre-là. Alors, c'est très important parce que il me semble qu'un des traits qu'on observe extrêmement facilement sans pouvoir vraiment bien s'en rendre compte, parce que c'est un peu caché par ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais comme on ne pose plus cette question, on oublie quelque chose auquel Bion, lui, va être extrêmement sensible. C'est que pouvoir faire des rêves, c'est déjà un déplacement à l'intérieur de l'analyse. Lorsqu'un patient vous apporte son premier rêve, je ne dis pas que c'est qu'il est en train de guérir, mais c'est que certainement quelque chose des rouages de son appareil psychique s'est mis à tourner sur un mode tel qu'il est devenu capable de rêver quelque chose de consistant, là où avec le même matériau, si notre théorie est correcte, il aurait plutôt fait, la semaine d'avant, une obsession, une phobie, ou Dieu sait quoi. Et que, sans dire que c'est déjà thérapeutique, on voit bien que l'activité onirique induite par l'entrée en analyse atteste du fait que là, il y a une transformation psychique qui s'opère, et que quelque chose qui tournait dans des registres extrêmement étroits, tout d'un coup se met à tourner dans d'autres registres. Que certains échanges, par exemple certains dialogues, vont se passer en rêve plutôt que dans la réalité. Bon. Par exemple. Ben, c'est pas toujours d'ailleurs positif. Hein. Il y a des analyses qui s'enclenchent, et bon, un rêve arrive, et il n'y a pas besoin d'avoir 30 ans d'expérience pour voir que le rêve qui arrive annonce le déclenchement d'un épisode délirant, par exemple. C'est qu'il y a des rêves de cauchemars, des choses comme ça, qui annoncent quelque chose de désastreux. Et néanmoins, cependant, il y a quelque chose de l'ordre de la transformation. Que ça ait fait un rêve plutôt qu'une éclosion délirante, par exemple, est un phénomène sur lequel il faut s'arrêter. Or, c'est complètement, si vous remarquez bien, aboli de la réflexion psychanalytique contemporaine. Parce que, alors c'est extrêmement sensible dans, je ne sais plus comment c'est aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que j'assiste plus à ces choses-là, mais moi, quand j'ai été formé, dans un milieu lacanien extrêmement orthodoxe, précis, minutieux, etc., le rêve était considéré comme une illustration ou comme une instantiation de l'équation signifiante d'un sujet. C'est-à-dire qu'au fond, on trouvait dans un rêve, il n'y avait pas de raison de trouver plus dans un rêve que ce qu'on trouvait dans l'analyse d'un lapsus, ou de ce qu'on pouvait dériver de l'analyse d'un symptôme, par exemple, ou d'une phobie, du dépiotage d'une phobie. Pourquoi ? Parce que ce qui est interprété sépare le rêve par opposition à l'interprétation de la névrose. Ce qui est interprété, c'est une position subjective. C'est la constellation signifiante à l'intérieur duquel un sujet est pris et qui va exercer sur son imaginaire, alors dans le rêve ou bien dans son, sur son schéma corporel, un certain type d'effet. Et que, au fond, comme c'est ce chiffre signifiant, cette équation signifiante particulière qu'on cherche à dégager, et que ce qu'on interprète, c'est le sujet de l'inconscient, il n'y a plus d'attention particulière au fait que la constellation signifiante ABCD s'est plus spécifiquement incarnée dans un rêve que dans un symptôme, par exemple. Alors, il y a une alternative qui est celle que j'ai souvent employée en contrôle et que je recommande souvent, hein, qui a aux gens qui me demandent. Il y a un truc qu'on fait, en revanche, assez couramment. C'est dans les entretiens préliminaires, enfin, une chose que j'ai longtemps fait, que je ne fais plus toujours, d'ailleurs, c'est de demander aux gens quel est le premier rêve dont ils se souviennent, et une fois qu'ils vont leur exposer, leur demander quel est le premier mensonge dont ils se souviennent. Alors, évidemment, c'est un moyen de raccourcir énormément les points de diagnostic, puisque quand une personne vous a raconté son premier rêve et son premier mensonge, vous savez comment l'analyse va se terminer, quasiment. Non, c'est-à-dire que souvent, tout est étalé sur un mode, justement, de constellation signifiante. Quand quelqu'un se rappelle d'un rêve de son enfance ou du premier mensonge qui s'est fixé en lui comme un souvenir qu'il est capable, dans un contexte transférentiel, de vous ressortir et de vous détailler, vous voyez les positions subjectives de la personne. Sur quoi, quelle est la vérité qu'il a hallucinée sur le mode du mensonge et quelles images, quel agrégat d'images s'est cristallisé très précocement, etc. Et d'ailleurs, les gens immédiatement s'en aperçoivent. C'est souvent une extrêmement bonne manière de faire entrer quelqu'un dans le transfert qui est sidéré de voir qu'après avoir raconté son malheur et sa vie, si on lui pose cette question-là, tout d'un coup, quand il avait 6 ans, le premier mensonge, c'est vraiment incroyable, porte précisément sur quelque chose qui est en jeu dans sa vie d'adulte ou d'adolescent, etc. Alors, c'est un usage du rêve, là, vous voyez, qui sert à attraper une matrice élémentaire, qui fait qu'au fond, ensuite, presque tous les rêves qui vont se produire ne vont jamais plus être que des instanciations nouvelles, des transformations de cette batterie signifiante, ce chiffre de l'existence. Alors, j'insiste bien sur ce point, parce que pourquoi est-ce que ça a disparu ? Ça a disparu, et j'essaie de vous le remettre comme ça sur le métier, mais je ne sais pas si je vais bien y arriver, mais ça a disparu parce que d'une certaine manière, tout ça est du bien connu. C'est-à-dire que l'incroyable exigence que pouvait donc avoir Freud de savoir pourquoi, quand vous prenez les rêves de Dora, sur lesquels j'ai lu des montagnes de choses, mais jamais cette question élémentaire. Pourquoi est-ce que Dora fait des rêves au milieu de tous les symptômes qu'elle fait ? Ça, c'était une question que se posait Freud. Ce n'est plus du tout une question que nous nous posons. Quand vous regardez la littérature que j'ai lue, j'ai fait un recensement récemment, la littérature sur Dora et les deux rêves du cas Dora, les boîtes, etc. C'est le porte-monnaie, l'interprétation symbolique. Etc. Personne ne semble mesurer que lorsque il écoute cette jeune adolescente, et qu'il est là, il vient de finir d'écrire la trame d'Oitung, il se pose cette question-là. Pourquoi ? Là, il y a des rêves. Le fait du rêve. Ça fait du rêve. Non. On utilise le matériel symbolique, comme le fait aussi Freud. Hein. On utilise le matériel symbolique pour boucher les trous de ce qu'on n'arrive pas bien à comprendre dans la symptomatologie de Dora. Et donc, il n'est déjà même plus question de la constitution d'un appareil psychique. Il n'est déjà plus question de la constitution de l'appareil psychique et du pourquoi, là, elle a fait un rêve. Relisez ces cas, tous les cas de Freud, en ne perdant pas de vue que lui, il ne se satisfait pas d'une interprétation en termes de symbole ou de signifiant, mais qu'il va, il pousse le vice jusqu'à se demander pourquoi là ça fait un rêve plutôt qu'autre chose. Qu'un trait d'esprit, ou un symptôme, ou un passage à l'acte peut-être. Hein. Vous voyez, c'est... Parce que aussi, ça vous permet de vous demander, mais pourquoi là ça a fait un passage à l'acte, ou là ça a fait une crise d'angoisse, mais pourquoi ça n'a pas fait un rêve ? Mais on ne peut se poser ces questions-là que si on prend au sérieux l'idée qu'il existe bien un appareil psychique. Donc qui va poser des questions de ce genre ? Bion, par exemple. Et il va les poser, évidemment, sur un mode réaliste. C'est-à-dire de tester l'appareil psychique contre des phénomènes. Alors, si vous gardez bien à l'esprit cette espèce de chose de Wesen qui est extrêmement... Alors, je connais pas suffisamment bien la science allemande, la langue allemande de l'époque, mais ce qui est tout à fait clair, c'est quand vous regardez les grands physiologistes de l'époque, hein, des contemporains de Freud, la question de ce que c'est que l'essence de choses comme l'électricité ou le nerf, ce sont des questions qui sont tout à fait posées. Le mot Wesen peut être utilisé comme ça, en ce double sens. C'est-à-dire la référence du concept et ce qui fait qu'est produit causalement quelque chose qui fait ceci et cela. Les deux éléments sont toujours imbriqués. Et donc, mettons-nous comme ça, secouons-nous la tête pour enlever tout ce qu'on sait et de passer à travers le filtre de l'épistémologie néopositiviste qui a liquidé la question de l'essence des phénomènes. Et mettons-nous dans la peau de ce savant autrichien formé à la physiologie allemande. Et prenons la définition du rêve. La réponse à la question de l'essence du rêve, c'est, comme vous savez, que le rêve, c'est Wunscherfüllung, un accomplissement de souhait ou de désir, on en discutera. Alors ensuite, c'est pour ça que vous avez une continuité entre les deux formules. La première formule qui arrive dès l'interprétation du rêve de l'injection d'Irma, donc au début du livre, et puis à la toute fin du livre, où elle est reprise, non plus au titre de « Qu'est-ce qui fait l'unité d'essence du rêve ?» Wunscherfüllung, mais ce qui fait le fait, la machinerie qui produit le rêve, et qui est décrit à ce moment-là comme un accomplissement déguisé de désirs infantiles, sexuels, égoïstes et inconscients. On ajoute, hein, on enrichit la définition de départ et on la voit bien, une fois fonctionner, parce que déguiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire censurer, donc il y a un dispositif de censure dans la machine qui fabrique ça, et symbolique. Le symbolique étant, à nouveau, ne perdez pas de vue, ce qui est archi-visible pour les lecteurs de la trame de Hütung jusqu'après la Première Guerre mondiale. Parce que quasiment le quart du livre n'est pas de Freud. Le quart du livre, c'est du Stekel. C'est toute l'analyse des grands symboles, etc. Et que donc, ça occupe une place qui est en volume supérieure à celle du travail du rêve, en nombre de pages. Donc c'est pas du tout le même... Même typographiquement, Andreas Meyer a fait un travail remarquable là-dessus, en montrant comment d'édition en édition, il met des italiques, puis ensuite il met du gras, puis ensuite du gras en italique, tellement il veut détacher les différents éléments des choses. Mais ce n'est pas notre perception du livre lui-même. Eh bien, essayons de voir cette définition, cette réponse, avec ses yeux de quelqu'un qui cherche à la fois l'unité de sens, phénomène vécu du rêve, ce de quoi l'interprétation du rêve est faite, et le mécanisme qui fait qu'il va y avoir dans telle circonstance plutôt du rêve qu'un symptôme, une crise de panique ou un passage à l'acte. Et donc, c'est ça qu'il nous faut réussir à faire, c'est à désincarcérer l'attitude que Freud en pratique à l'égard de ses patients, de tout ce qui a, dans l'histoire de la psychanalyse, recouvert ce moment de création et d'invention avec les patients. Parce que vous voyez que du coup, quand on a une attitude réaliste, c'est-à-dire qu'on se demande si l'interprétation est vraie ou fausse, le statut de ce que dit le patient ne peut plus du tout être le même. Les gens qui parlent avec Freud, ils parlent avec Freud du rêve qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'il y a des grands morceaux de l'analyse qui ne peuvent pas être associatifs. Parce qu'au fond, le patient consulte son souvenir du rêve de la veille, etc., et dit « Ah oui, vous avez raison !» Et il apporte un nouveau fragment à titre de confirmation ou d'affirmation. C'est très courant quand vous lisez la Traumdeutung. Et que ça, les premiers patients, et donc les premiers analystes, voyez, ont été engagés dans le travail sur leur propre rêve comme des explorateurs d'eux-mêmes. Je vous fais cette remarque avec un rapprochement qui va peut-être vous faire frémir, que c'est exactement ce que font aujourd'hui les thérapeutes cognitivo-comportementaux avec leurs patients. Autrement dit, ils traitent leurs patients comme des collaborateurs pour établir que c'est bien tel et tel phénomène d'habitude ou de mauvais événement traumatisant qui a, etc. Et pourquoi ils le font? Ils le font parce que ce sont des thérapies nouvelles. Et que, comme il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe dans le ciboulot des gens, on est bien obligé de leur demander leur avis. Et donc de les traiter comme des collaborateurs. Donc il faut, là, essayer de desserrer une sorte d'illusion qui a trait à des distinctions comme ça, qui sont purement idéologiques et contemporaines, pour bien voir comment est fabriquée une théorie comme la psychanalyse, bien obligé de demander aux gens, quand on a cette option réaliste, quand on est un découvreur, si on s'est gouré ou pas. Alors, ça ne veut pas dire que Freud n'a pas des moyens de démentir, de dire... qu'il a raison et quand le patient lui donne tort, il a tort. Mais pour ça, il faut qu'il utilise des techniques qui existent, hein, d'ailleurs, en épistémologie. C'est ce qu'on appelle des formes d'induction où il y a plusieurs phénomènes en parallèle. Et que si, par exemple, vous faites une interprétation et que le patient vous dit non, mais que, par ailleurs, il y a d'autres séries que le rêve, comme celui de ses symptômes, ou celui d'actes manqués, par exemple, et qu'après, le patient, par exemple, son symptôme disparaît, alors qu'il a dit « Oh non, mais vous êtes complètement trompé », ou bien qu'il fait un acte manqué significatif, on peut s'appuyer sur les autres séries, on peut induire, en s'appuyant sur les autres séries parallèles, que même si là, on n'a pas l'accord du patient, dans d'autres séries, on a de quoi confirmer l'hypothèse et s'assurer que l'interprétation a bien touché un fait de l'inconscient. C'est une forme d'induction que maîtrisait parfaitement Freud, puisque c'est une induction absolument nécessaire en biologie, hein, puisqu'en biologie, vous ne pouvez accéder à un mécanisme biologique qu'en examinant l'ensemble des mécanismes qui sont co-impliqués dans la production d'un phénomène. Et que même si vous avez l'impression que tel mécanisme n'est pas mobilisé, il y en a d'autres parallèlement qui permettent de le faire. C'est ce qu'on appelle l'induction Ewellienne, s'écrit comme ça, de William Ewell, qui était un astronome et un des plus grands épistémologues du début du 19e, je crois. C'est l'induction en parallèle. Si ça ne répond pas dans une série, par exemple, si le patient ne confirme pas, ce n'est pas pour autant que vous avez tort. Et quand Freud se permet de dire au patient qu'il maintient son interprétation malgré le démenti du patient, c'est parce qu'il dispose d'autres éléments parallèles qui lui permettent de justifier son inférence. Mais c'est toujours une attitude épistémique réaliste. C'est-à-dire qu'il y a dans le patient quelque chose que le patient ne connaît pas, qui fait qu'il agit comme ça et auquel on a accès inférentiellement par d'autres voies que le... Un des corollaires de l'induction Ewellienne, en parallèle, c'est que si le patient dit « oui, vous avez raison », ça ne suffit pas. Il faut aussi que ça puisse être attesté dans les autres séries, par actes manqués, modifications symptomatiques ou des choses de ce genre. Hein. Et c'est cette pensée-là qui est tout à fait consciente et délibérée chez Freud. Alors, une fois qu'on a posé ceci, la question de l'essence du rêve, les problèmes se multiplient. Et ils occupent Freud, et on peut ensuite considérer que toute la Traumdeutung, c'est une tentative d'être à la hauteur du projet épistémologique d'élucider l'essence du rêve en ce sens très particulier. Et ce que je voudrais faire, c'est essayer de faire apparaître la nature de ces problèmes en leur redonnant une sorte de fraîcheur clinique, n'est-ce pas, une sorte de fraîcheur dans, le, dans la façon dont, au fond, voilà, en tout cas, moi, j'essaie de, d'entendre les rêves qu'on me raconte. Alors, la première difficulté, elle procède du fait que Freud donne un grand poids à l'expérience subjective du rêvé, qui passe par la grammaire ordinaire, l'usage ordinaire du mot rêvé. Il faut bien mesurer ce que ça veut dire, le fait que combien de séances de nos analyses ou de celles de nos patients ont pu commencer par l'idée « j'ai rêvé cette nuit, j'ai tout oublié ». C'est-à-dire, cette chose qu'on sait qu'on a rêvé, hein, mais que bon, il y a vraiment rien qui sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'usage ordinaire du mot rêver et tout ce qu'il implique dans sa grammaire logique, ses emplois sociaux, etc., ne peuvent pas du tout être mis de côté, puisque c'est dans cette espèce d'usage ordinaire, immédiat, etc., que se présente l'acte psychique particulier qu'on va analyser. Et c'est une chose que fait remarquer d'emblée Freud. Rêver, en ce sens-là, est directement analogue à désirer. C'est le rêver qu'on emploie quand on dit « j'en rêve ». J'aimerais bien que ce soit le cas. Et que donc, le « je rêverais que telle et telle chose se passe » exprime le désir. Et si vous désirez très fort quelque chose, vous allez immédiatement employer quelque chose de l'ordre du rêve. Et de même qu'il y a toutes sortes de alors en anglais par exemple qu'on appelle le wishful thinking, n'est-ce pas, c'est prendre ses désirs pour des réalités, et quelque chose qui d'une certaine manière est très facilement associable à la problématique de la rêverie ou des choses de ce genre. Donc le problème, c'est que si c'est trop verbal, voyez, on attrape bien la dimension de l'expérience linguistique du je rêve, alors on arrive trop vite au « le rêve est un accomplissement de désir ». C'est-à-dire que du coup, le rêve est un accomplissement de désir est menacé de naître, au fond, une explicitation grammaticale, une métaphore, le développement d'une image qui est immédiatement présente dans la langue. Alors, le problème que ça pose, et qui est un problème qui s'est posé avec les théories modernes du rêve, c'était les théories évolutionnistes, neurophysiologiques, qui existent depuis les années 50, et la question de savoir pourquoi il y a des rêves. Si vous prenez les choses au nom du fait, parce qu'il se pourrait parfaitement que le rêve ait des causes, ça c'est sûr, hein, des activations neuronales par exemple, mais pas de raison d'être, en particulier pas de raison d'être évolutionniste. C'est un problème très classique que je mentionne là, c'est un problème très classique dans les sciences de l'évolution et dans la réflexion de l'évolution, c'est ce qui fait que le rêve c'est comme le clitoris. Personne ne sait pourquoi il y a un clitoris. C'est un problème évolutionnaire majeur sur lequel des dizaines d'articles ont été écrits. On ne sait pas pourquoi il y a un clitoris. Parce qu'on croit que c'est à cause de la fonction que ça peut avoir, racontent certains, de donner du plaisir. En réalité, il n'y a aucune espèce d'argument évolutionnaire solide pour dire que la nature se serait arrangée pour que ça fasse plaisir, etc. Parce que les huîtres, les moules, vous voyez, par exemple, ça n'a pas du tout l'impression que la reproduction peut même passer par le plaisir. Même un tas de mammifères n'a pas du tout ce que la femelle y trouve dans ce genre de choses. Bon, donc, mais pourquoi? La réponse, une des réponses standards à l'existence du clitoris, c'est que dans l'embryogenèse, il ne peut pas y avoir de trou. Et alors, comme justement, là où il n'y a pas d'organe sexuel masculin qui se développe, il y aurait un trou dans l'embryon féminin, tout un tissu interstitiel à la forme extrêmement étrange se développe et vient remplir le trou qui est occupé dans l'embryon mâle par le développement des cellules, des organes sexuels mâles. Et que le clitoris doit sa forme absolument étrange être un simple remplissage interstitiel. Auquel cas, vous voyez qu'il y a des causes à l'existence du clitoris, mais il n'y a pas de raison évolutionnaire à l'existence du clitoris, de raison intrinsèque. Peut-être que le rêve, de la même manière, pourrait être un sous-produit d'agitation neuronale qui, effectivement, chez les mammifères, parce que c'est les mammifères, semble-t-il, qui rêvent, en plus il fait des conditions de température, enfin bon, chez lesquelles on fait des enregistrements électriques qu'on rattache à la famille du rêve. Les dauphins, par exemple, pareil, les dauphins, comme ils nagent, évidemment, ils ne peuvent pas. Il y a la moitié du cerveau qui dort, puis c'est l'autre moitié, etc. Ils basculent de moitié en moitié, et qu'on observe des activations électriques, etc. Des dauphins rêvent, de poissons sans doute. Voilà, on revient à la question de quoi rêver, c'est autre chose. Rêver et rêver de quelque chose, c'est deux choses distinctes. Okay? Mais on pourrait parfaitement dire, bah oui, ce sont des effets, parce que voilà, le cerveau ne peut pas du tout s'endormir, et complètement, parce que sinon l'organisme s'éteindrait. Et donc, voilà, c'est comme le clitoris, ça occupe la place vide. Hein. Donc, il faut être extrêmement, extrêmement prudent à l'égard de cette chose-là, parce que Freud est évidemment totalement darwinien. Hein. C'est le physiologiste formé à l'allemande pour qui il n'y a aucune espèce de doute que l'organisme humain et son psychisme et sa sexualité est entièrement subordonné aux tâches de la sélection sexuelle. Hein. Il n'y a pas de... Pour lui, c'est même pas envisageable de penser c'est comme un a priori kantien total, hein, ce genre de choses. Et donc, il est confronté beaucoup plus que nous à des questions de ce type. Sont de savoir jusqu'à quel degré on peut dire qu'un rêve, c'est un phénomène qui a une conséquence, qui a une raison d'être. Alors la raison d'être qui est alléguée, que vous connaissez bien, c'est que le rêve est le gardien du sommeil. Bon. C'est une explication qui ne tient pas à 3 minutes la route, même sous la plume de Freud, puisque le problème du rêve comme gardien du sommeil, c'est que pour que le gardien fasse sa tâche de gardiennage, il faut qu'il ne dorme jamais. Mais que s'il ne dormait jamais, alors il ne pourrait pas y avoir de rêve, parce qu'il empêcherait le passage dans la conscience imageante de toutes les pulsions ou de tous les refoulés. Autrement dit, on se retrouve devant, dans le chapitre 7, devant l'idée que s'il y a effectivement du rêve, c'est parce que le désir de dormir est très fort, et que ce désir de dormir abaisse les défenses qui empêchent la montée des émotions de l'inconscient et leur actualisation sous forme d'images de rêve. Donc il est le gardien du sommeil, mais le sommeil est là pour abaisser les défenses qui permettent au gardien de laisser passer un certain nombre de choses. Mais en même temps, il faut que le gardien soit toujours réveillé tout en étant endormi pour pouvoir laisser exercer son travail de censure. Donc vous avez là la production d'une contradiction totale, hein, d'un bout à l'autre, du dispositif, du fait que c'est le gardien du sommeil. Hein, c'est quelque chose qui ne peut absolument pas tenir. Et Freud, d'ailleurs, le dit dans ses termes. Hein, il part de l'idée que c'est le gardien du sommeil pour se dire, mais c'est pas possible, parce qu'il n'y a que le sommeil qui peut abaisser le niveau de surveillance du gardien pour que la censure n'empêche pas tout rêve de se produire. C'est accompagné, d'ailleurs, de l'idée complètement extraordinaire selon laquelle, en rêve, on sait toujours qu'on rêve, que ce n'est qu'un rêve. Parce que si on se disait que ça n'était pas qu'un rêve, alors on se réveillerait. Donc en fait, en rêve, on ne dort jamais. C'est pas simplement la censure. C'est l'idée qu'on sait toujours que ce n'est qu'un rêve. Oui, il y a quand même les rêves désagréables. Des fois, on se réveille, on a quand même quelques instants. Oui, mais ça. Pas exactement c'est pas le phénomène empirique en question, c'est un trait de structure. C'est que Freud dit explicitement que dans un rêve, on doit toujours savoir au fond qu'on rêve. C'est que c'est pas simplement la censure qui reste éveillée. C'est qu'assez bizarrement, on a l'impression plus d'une fois dans le livre que, en fait, c'est ce qui marque justement le sentiment d'irréalité. Je peux y aller, ça n'est qu'un rêve. Alors, bon, donc ça, c'est une explication qui ne tient pas tellement debout. Il faut aussi, et c'est un élément de contexte que vous devez garder à l'esprit, c'est que personne ne sait, d'ailleurs personne ne sait très bien aujourd'hui d'ailleurs non plus pourquoi il y a des organismes qui dorment. Bon. C'est qu'à l'époque, la thèse standard, je ne dis pas que c'est celle de Freud, il les mentionne, il essaie de tenir à distance, c'est qu'on s'endort par un effet d'auto-intoxication. C'est-à-dire qu'être réveillé, ça met des produits, des déchets en circulation dans le cerveau, et que le sommeil est une manière de purifier le cerveau, d'envoyer... Il y a une thèse d'auto-intoxication du cerveau. Alors, c'est pas... aujourd'hui, comme vous savez, il y a d'autres thèses extrêmement différentes de réitération des engrammes d'apprentissage, parce qu'on a remarqué que les animaux qui dorment sont capables d'apprendre davantage que les animaux qui ne dorment pas, etc. Donc il y a toutes sortes de théories qui sont plus positives et évolutionnistes du sommeil. À l'époque de Freud, c'est très énigmatique pourquoi les gens dorment, et on pense que c'est en fait lié... C'est une réponse à l'expérience physiologique de la fatigue, que c'est une conséquence de ça. Alors ça ne va évidemment pas à Freud du tout, parce que dans ce cadre-là, les théories du rêve sont des théories de la dissociation mentale. C'est-à-dire que si c'est le cerveau qui s'auto-intoxique, alors les produits du cerveau sont des effets de l'intoxication. Et donc on ne peut pas leur donner la consistance sémantique qu'ils ont. On ne peut pas les traiter comme des choses qui ont une consistance sémantique. Donc il est très embêté pour expliquer ce que c'est que le sommeil. Et au fond, tant qu'il ne disposera pas de la théorie de la régression narcissique, c'est-à-dire au fond que la contre-envie à l'accomplissement de désir, c'est l'envie de dormir. Et cette envie de dormir, tant qu'il ne disposera pas de l'idée de régression narcissique, qui est introduite assez tardivement, hein, puisqu'il faut disposer du concept de narcissisme pour penser cette régression-là, il aura beaucoup de mal à penser la raison pour laquelle... Alors, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais je reviens à ce point que j'ai souligné, c'est le problème du danger dans lequel on est pris immédiatement, c'est que, au fond... Le rêve, comme interprétation de désir, c'est une métaphore. C'est même une métaphore assez commune, hein, que rêver et désirer, ce sont des choses qui s'échangent. Dès 1911, Freud s'appuie sur la construction de l'appareil psychique et de la sexualité infantile pour dire que c'est pas n'importe quel désir, c'est le désir sexuel. Et c'est le désir sexuel au sens des pulsions et au sens des pulsions de la théorie des trois traités sur la théorie de la sexualité. Et dans la préface de 1911, il explique bien que c'est la sexualité infantile qui est venue compléter et rendre moins formelle l'idée de Wunsch-Erfüllung, qui risque d'être, au fond, une glose purement verbale ou grammaticale, un nouvel emploi, une extension du concept de rêver comme désir ou de désir comme rêver. Et puis, après la guerre de 14, il introduira aussi une nouvelle idée qui est autour du rêve traumatique, hein, en essayant de modifier sa définition, en disant que ce n'est pas simplement une satisfaction de désir, mais une tentative de satisfaire le désir. Et ça, c'est possible parce qu'il dispose d'un concept du narcissisme, puisqu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'un rêve traumatique, tel que les gens le perçoivent à l'époque? Un rêve traumatique, c'est justement qu'on n'arrive pas à s'endormir et que le rêve réveille, sur le mode du cauchemar, la personne qui est traumatisée, le sort de son état de sommeil, et que ce qu'on appelle le rêve, c'est l'interruption justement de la régression narcissique qui est censée se produire dans le rêve. Donc Freud est constamment comme ça obligé de corriger le rêve comme unité de sens, comme acte psychique, etc., qui va se dire dans un langage courant par une injection, de matériel causal, d'hypothèses cliniques, de précisions sur le traumatisme, etc., pour faire tourner la machine qui fait que rêve il y a plutôt qu'autre chose. Sinon, on est toujours en danger d'avoir une explication purement verbale que, bon, au fond, rêver, c'est désirer. Et c'est là où se pose la question de savoir à quelles conditions arrive-t-on à rêver. Rêver devient véritablement un exploit, un processus difficile auquel on a lentement accès, qui peut disparaître, et dont les productions de rêves ont des conditions spécifiques qui doivent être mises en relation avec la production d'une névrose ou d'un délire, ou d'une phobie ou d'une obsession, etc. Alors, c'est là où l'histoire de la psychanalyse a bien évidemment totalement changé la signification originaire de l'appareil psychique dans le livre 7, dans le chapitre 7 de la trame de Jung. Cet appareil psychique qui, au départ, quand vous lisez littéralement ce qui est écrit, n'est là que pour expliquer la production de l'imagerie onirique et éventuellement des hallucinations visuelles de l'hystérie, devient l'appareil psychique comme topic expliquant le fonctionnement de la subjectivité en analyse. Et il le devient sur le mode de arriver à rêver, c'est intégrer un certain nombre d'émotions, de désirs qui viennent de l'inconscient. C'est la question donc de l'intégration par cet appareil psychique du sujet lui-même. Vous voyez le déplacement d'accent dès qu'on arrive à penser que arriver à rêver quelque chose est déjà difficile. Et donc, la possibilité, symétrique et inverse, de la désintégration. Surtout quand on est dans une logique très marquée par la neuropathologie, où dès qu'on a construit un dispositif qui intègre différents appareils neuroniques ou psychiques, on dispose aussi, on a un schéma, et donc ensuite on peut couper les flèches du schéma et observer tel et tel type de déficit, comme par exemple dans les grands schémas de l'aphasie, etc. C'est un raisonnement de ce même ordre. Donc là où il y a intégration, il y a possibilité de désintégration. Et autour de la question de l'intégration et de la désintégration, on est déjà entré dans, alors même si Mélanie Klein parle extrêmement peu au fond du rêve, de la question de l'intégration et de la désintégration de la personnalité, de ces constructions, des appareils qui constituent cette personnalité, etc. Une remarque sur la formule de Bion bien connue, n'est-ce pas, que le psychotique ne rêve pas parce que déjà il ne dort pas. Il se trouve que j'ai rencontré il y a peu de temps quelqu'un qui n'a jamais dormi et jamais rêvé. C'est une grande mélancolie, un phénomène vacuité absolument totalement sidérante de quelqu'un d'ailleurs parfaitement normal, adapté, capable d'avoir des erreurs, une vacuité complète. Et alors, c'est vraiment extrêmement étrange, même contre-transférentiellement, que quand vous interrogez quelqu'un sur le rêve, par exemple, il vous réponde en vous disant qu'il sait très bien ce que c'est que les rêves, il a très bien entendu, sauf que lui, il n'a jamais rêvé. Et votre surprise augmente lorsque vous apercevez qu'en fait, l'insomnie, c'est l'état ordinaire du patient. C'est-à-dire que c'est un patient qui, tout en se livrant à des activités importantes, hein, et des responsabilités, etc., à nuit, il se couche, il regarde le plafond, les yeux ouverts, pendant 8 heures, puis il se relève de son lit, puis il reprend ses activités. Il y a des gens comme ça qui sont dans un état dans lequel, effectivement, alors il ne se passe rien, hein, rien. Voilà, ils ne sont pas fatigués, ils font aucun rêve, voilà, et puis ils reprennent le cours de leurs activités. Alors, bon, j'en ai pas vu 36, hein, je vous dis, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui raconte des phénomènes de ce genre, des phénomènes de non-sommeil. On ne peut même pas appeler ça de l'insomnie, il y a zéro souffrance. C'est pas du tout Vous voyez, le névrosé qui tourne en rond, qui n'arrive pas à s'endormir, qui surveille son endormissement, qui plus le surveille, moins il s'endort. Enfin bon, toutes ces choses que nous connaissons tous à un degré moindre, mais qui éventuellement, vous savez, peut être si torturant pour les grands insomnes. Pas du tout, zéro souffrance. Il se couche, à la tête, etc., simplement, on regarde le plafond, parfois ses yeux se ferment, il y a un effet d'inconscience, etc. Mais on ne peut pas appeler ça quelque chose comme une régression narcissique. Un plaisir particulier pris, zéro plaisir. Là, il y a zéro douleur, il y a zéro plaisir aussi à s'endormir. Et le rêve comme quelque chose dont il possède le jeu de langage. Il comprend très bien quand les autres se sont endormis, quand son enfant lui raconte un rêve qu'il a fait. Bon, sauf que lui, il n'en a pas d'expérience vécue. Et donc, vous voyez, lorsque Bion dit que le psychotique ne rêve pas ou ne dort pas, on ne peut pas se contenter de dire qu'il ne rêve pas au sens de Bion. C'est qu'il y a des gens comme ça qui peuvent avoir... Bon. Alors, le cas symétrique et inverse du mélancolique qui est dans la pure rêverie, c'est Pessoa. Chez qui, effectivement, au contraire, le problème de Pessoa, c'est que la réalité, là, comme ça, même quand il touche, il ne sait pas très très bien si la table, là, c'est vraiment une table, quoi. C'est... Tout semble pris dans une sorte de doute rêveur, comme ça, dans lequel, en tout cas, sous son semi-hétéronyme Bernardo Juarez, comme ça, il n'y a que rêverie. Et donc une sorte d'inexistence, de position d'inexistence du monde, dont on n'arrive absolument pas à se dégager. Donc là, vous voyez, il peut y avoir aussi une rêverie sauvage, qui a pris toute la place de la vie psychique. C'est pas simplement le fait qu'il y a des appareils qui tournent sans mouliter le moindre rêve. Il y a aussi des appareils qui ne sont que des rêves d'appareils. Et même la littérature de Pessoa, c'est le rêve d'un appareil psychique qui, justement, ne rêve pas. Alors, c'est délicat, parce qu'il y a des psychotiques qui rêvent. Bon, mais je dirais à la fin quelque chose sur ce que c'est que le rêve. Il y a des particularités du rêve psychotique qui sont très, très singulières et qui sont une des lacunes d'ailleurs de mon travail de ce commentaire, c'est que je n'ai pas vraiment exploité l'analogie rêve-délire que fait Freud. Alors je continue à développer les difficultés auxquelles on se heurte avec la formule « le rêve est un accomplissement de désir ». Je crois qu'il est trompeur de traduire, c'est l'accomplissement d'un désir. C'est extrêmement trompeur parce que si vous mettez un désir, vous faites comme si vous étiez capable, dans les analyses de Freud, d'isoler le désir qui a causé ce rêve. Je vous mets au défi de trouver un seul cas où Freud nomme et dit c'est ce désir de faire ceci qui a produit le rêve. C'est toujours un paquet de tendances, désirs, aspirations, contrariétés, etc., qui produit le rêve. Une sorte de nœud complètement intriqué d'une pluralité de désirs dont chacun, pour se définir, a besoin de citer le voisin. Ce qui fait que Freud est extrêmement embêté parce qu'il ne fournit aucun critère d'identification numérique des désirs qu'il cite. Et que même si on parle de surdétermination ou de multiplicité de désirs, on devrait plutôt parler de grouillement que de multiplicité. Parce que multiplicité sous-entendrait qu'il y en aurait plusieurs, il y en aurait 5 dans tel rêve ou 8 dans tel autre. Mais aucun de ces 5 ou de ces 8 ne peut être individualisé, analytiquement, indépendamment de l'existence des autres avec lesquels ils se tissent, et de phrase en phrase, d'ailleurs, dans la description du rêve et de son interprétation, se chevauchent, se reprennent, s'appellent, se supposent mutuellement, etc. Si on veut avoir une explication causale, au sens de l'épistémologie qui a servi à critiquer la psychanalyse, qui est une épistémologie, le néopositivisme tout simplement, qui est postérieur à Freud, qui commence dans les années 30, on va se retrouver devant la contrainte de l'explication causale, etc., c'est qu'il faut identifier l'entité causale. Si vous dites que A cause B, il faut donner un critère d'identification de A, il faut donner un critère d'identification de la cause, hein, quand vous avez un critère d'identification de l'effet. Vous avez le rêve, bon, s'il dit que c'est un accomplissement de désir, qu'il nous dise quel est le désir. Or, il n'y a pas chez Freud de moyen d'identifier le désir. Je dirais qu'une des... Ça a des conséquences extrêmement importantes quand on le néglige dans le transfert. S'il y a bien une chose que les patients abominent, c'est de sentir dans l'analyste quelque chose comme une question du genre « Mais quel est ton désir ?» Ça, la question « Mais qu'est-ce que tu veux au fond ?» c'est quand les patients commencent à se la poser, c'est qu'en réalité, là, de l'autre côté, là, dans le fauteuil, il y a le surmoi, avec des dents acérées et la langue rouge, là, hein, qui va... C'est-à-dire que, au fond, qu'est-ce que tu veux ? Cette espèce d'injonction à dire quel est le désir qui les porte, c'est une question qui ne peut être posée que d'un point de vue surmoïque. Et une des difficultés très... auxquelles il faut évidemment prendre garde quand on écoute un récit de rêve ou qu'on sollicite des récits de rêve, c'est bien évidemment de ne jamais avoir cette injonction idéalisante de faire surgir le « ce que tu veux » dans le rêve. Et quel est le désir auquel tu te rattaches. Et je trouve que c'est même une des façons de bien percevoir ce que c'est que le surmoi. Ce qui fait la férocité du surmoi, c'est le fait qu'il ajoute à la dimension du désir une sorte d'exigence d'unicité, de dénombrabilité, de un désir. Tu as ce désir, mais tu as aussi celui-là, okay, des choses comme ça, avec une qui transforme au fond ce qui est l'expérience du désir perdu dans les équivoques de la langue, etc., en une volonté, une sorte de volonté idéale, cachée, et dont il faudrait réussir à faire rentrer le contenu dans une phrase qui le nommerait et qui, au fond, le tuerait. Et tout ceci... avec derrière, ce qui est typique de l'injonction surmoïque, c'est que qu'est-ce que tu veux, c'est qu'une fois que le malheureux serait acculé à dire ce qu'il veut, l'étape suivante, ce serait, eh bien, fais-le, va jusqu'au bout. Ce que Lacan identifie très bien comme la face de ce que dit le surmoi, c'est joui. Vas-y, va jusqu'au bout de ce désir-là. Que tu aurais identifié. Et donc, il faut résister à la numération, l'énumération, bien sûr, mais la numération, le traitement en termes de dénombrabilité des désirs. Et dès que vous résistez à cela, aussitôt, vous vous mettez devant une grande difficulté, c'est de dire, alors dans ce cas, comment... les désirs peuvent-ils jouer le rôle de cause qu'ils sont censés avoir dans la production de cet effet particulier qu'est le désir, le rêve. Alors, vous avez donc un problème qui est une tension qui surgit à ce moment-là dans l'interprétation du rêve et qui est tout l'enjeu de ce que je vais dire maintenant, qui est quels sont les critères d'identification des désirs ? Par quoi on passe pour identifier les désirs ? Il y a deux voies explicites, hein, chez Freud, qui sont tenues à l'époque pour lui comme parfaitement complémentaires, ça ne lui pose aucun problème, parce que, je vous rappelle, on est vraiment avant les années 30, on est vraiment avant les formes d'exigence dans l'explication épistémologique qui vont apparaître à Vienne d'ailleurs, avec les néo-positivistes logiques. Et pour lui, ces deux voies, c'est très simple, c'est les associations. Et puis, c'est cette psychobiologie darwinienne dont je vais vous parler. Alors, les associations, c'est très simple. C'est, je l'ai dit la dernière fois, ce à quoi on cherche à avoir accès, c'est aux dispositions qui donnent du sens au rêve tel qu'il est rêvé. À quoi le sujet est-il porté ? Et les intentions désirantes du patient, les intentions désirantes du patient sont au fond des moyens utilisés pour identifier ces dispositions fondamentales. Disposition édipienne, par exemple. Dans ce cas, les associations faites sur le rêve sont aussi importantes que les associations faites dans le simple récit du rêve. Au point même, Freud pousse le bouchon extrêmement loin, qui dit qu'un patient qui vous dit qu'il a fait un rêve lacunaire pourrait bien en fait avoir fait un rêve de lacune, c'est-à-dire un rêve de castration. Par exemple, ça va extrêmement loin dans la façon dont il interprète les associations sur le rêve. Mais elles ont autant de prix et de poids pour l'identification des dispositions inconscientes dans un rêve que ce que le patient raconte comme étant ce dont il se souvient de l'événement nocturne qu'il a animé et qu'il rapporte au psychanalyste. Donc l'idée, c'est qu'au fond, le rêve et les associations sur le rêve procèdent des mêmes dispositions et que donc, même quand il manque des critères d'identification pour les causes du rêve dans le récit du rêve, les associations qui sont faites au sujet du rêve puissent au même fond, actualisent les mêmes dispositions et ont autant de valeur pour le caractériser. Ça veut donc dire, et ça c'est extrêmement important dans les perspectives kleiniennes, bioniennes, contemporaines, qu'il existe de bonnes associations et de mauvaises associations. Il y a un critère pour distinguer les bonnes des productives. Les bonnes associations, ce sont celles qui réactivent les dispositions d'un rêve qui a été oublié ou même qui n'a pas encore eu lieu, mais qui va peut-être avoir lieu. Ce sont les bonnes associations, elles ont cette qualité particulière d'être comme les associations qu'on fait sur un rêve qui l'amplifie, le développe, le font dériver. Et donc, même si ce ne sont pas des associations sur un rêve, ça fournit un critère de l'association riche et productive. Et c'est d'ailleurs une des choses les plus frappantes, c'est que du coup, vous voyez bien que la parole... C'est pas les lois de la parole qui conditionnent l'association, parce que les lois de la parole, en général, ne feraient aucune différence entre les associations productives qui pourraient être celles qui réactualisent un processus psychique comme le rêve, et puis celles qui sont simplement un blabla, dans lequel le sujet serait complètement pris. Et donc, ça implique que ce qui est scandé, ce sur quoi on s'arrête, ce qui permet de boucler un temps de séance, ça n'est plus nécessairement, par exemple, la répétition ou le bouclage d'un certain nombre de signifiants dans les ritournelles de l'association autour d'un objet perdu ou des choses comme ça. Ce autour de quoi ça se scande, c'est les moments où les associations sont effectivement productives et où on arrête quand elles cessent de l'être. C'est-à-dire quand elle cesse d'être le genre d'association qu'on pourrait faire sur un rêve, soit qu'on a oublié, soit qu'on va pouvoir faire. Donc ce n'est pas du tout la même manière d'arrêter le dispositif. Donc quand je vous parlerai de Bion et de l'idée de créativité psychique, ça c'est complètement fondamental. C'est même une des raisons pour lesquelles les séances ne peuvent structurellement pas durer aussi longtemps, parce qu'elles n'engagent pas du tout le psychisme de la même manière et ne font pas cette distinction entre les bonnes et les mauvaises associations. Comme dit Bion, le dit couramment, là le patient devient confus, hein, donc il se met en roue libre. Hein. ce mort-là, le patient, on sent bien que là, ça ne mord plus sur quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Or, évidemment, ça suppose un certain style quand même d'écoute, de comme ça, de se décrocher des associations du patient sur ce mode-là. Alors ça, c'est le premier critère. Le deuxième, qui est le plus compliqué, le plus problématique, et celui sur lequel je vais peut-être m'arrêter ce soir pour quand même qu'on y entre, c'est la psychobiologie darwinienne, qui en fait, je vais vous expliquer, n'est pas darwinienne, qui est une psychobiologie qui est darwinienne, mais qui en son fond est en fait aristotélicienne. Quand Freud dit qu'il ne fait que reprendre ce que Aristote dit sur le rêve, il n'a pas tort, je vais vous montrer pourquoi. Alors, pourquoi cette psychobiologie darwinienne? C'est parce que, évidemment, vous avez affaire à un physiologiste, un neurologue, qui voit ses patients comme des monades, des individus, des organismes, là, des monades closes, et qui les pense en darwinien. Alors, il pense ça en darwinien, c'est-à-dire qu'il pense la monade comme traversée d'appétit, de désir, de pulsion, d'excitation en tout genre. Et elle est confrontée comme une espèce dans son milieu par la sélection naturelle à des réponses positives ou négatives, encourageantes ou destructrices de son environnement. Et les désirs qui sortent de cette monade rencontrent ou ne rencontrent pas des satisfactions, des oui ou des non. Ces désirs de satisfaction sont d'ailleurs des désirs de satisfaction immédiats. Et évidemment, comme ça risque de faire crever la dite monade, il y a un principe de réalité qui s'y oppose. Notre darwinisme est un darwinisme qui est différent, mais qui, dans lequel vous allez reconnaître l'analogie. C'est que tout simplement, il y a des mutations géniques, il y a un pool de gènes dans une espèce, il y a des mutations génétiques en continu. Certaines n'ont aucun effet, d'ailleurs une grande partie de notre génome, d'ailleurs, on ne sait pas à quoi il sert. D'autres apportent un avantage sélectif, et ceux qui vont transmettre cet avantage sélectif vont l'emporter sur leurs congénères, et c'est finalement comme ça que se produit l'adaptation. Mais ça suppose que le pool génique soit constamment réessayé, vous voyez, dans l'espèce, hein, qu'il y ait tout le temps des mutations qui soient au travail et qui répondent à des sollicitations de l'environnement et permettent une meilleure utilisation du milieu. Hein, et c'est vrai pour la bactérie comme pour le mammifère, hein, à cet égard, ce type de mutation. Donc vous voyez cette espèce d'essai et erreur aveugle, hein, qui pour nous est devenu une sorte de cliché de l'articulation génétique et darwinisme, hein, cette espèce de truc aveugle, sans clair, des fois ça marche, des fois ça marche pas, bon, est en réalité un système, quelque chose qui est pensé avant la découverte de la génétique, etc., comme quelque chose qui n'existe pas simplement au niveau des espèces, mais qui existe aussi bien au niveau des individus. La monade vivante, comme l'espèce vivante, essaie toutes sortes de choses, et par essai et erreur, reçoit du principe de réalité la sanction positive ou négative de ses désirs, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque le rêve se passe, qu'est-ce que c'est que le rêve? Ben, le rêve, c'est au moment où nous sommes plongés dans la paralysie du sommeil, c'est toutes nos intentions, nos désirs, nos appétits et nos pulsions qui se manifestent sans être mis en acte. Et que, du coup, le rêve est l'irruption des mêmes désirs qui se trament d'habitude dans notre vie courante et qui, éventuellement, nous produisent en nous des symptômes. Parce que le principe de réalité s'y oppose et que nous sommes, du coup, engagés dans des formations de compromis pour tenter quand même de faire exister dans la réalité un désir, etc. Or, dans le rêve, justement parce que nous sommes paralysés, qu'il n'y aura pas d'acte, en quelque sorte, ces désirs peuvent se manifester d'une façon beaucoup plus forte. Alors, ça explique le recours qu'à l'époque, c'était des quand j'ai écrit ce bouquin, c'est au milieu des années 90, c'était ce qu'on appelle les Freud Wars. Donc il y avait des disputes épistémologiques à n'en plus finir avec les Américains. C'est une chose que je faisais qu'en anglais, parce qu'en France, les gens ne s'intéressaient pas à l'aspect technique de la chose. Mais il y avait des disputes absolument constantes avec donc les philosophes des sciences américains sur le statut de la biologie, de la psychobiologie freudienne. Et en particulier avec quelqu'un qui s'appelle Adolf Grünbaum, qui est vraiment un néopositiviste logique viennois, quelqu'un qui a une connaissance extrêmement profonde de Freud, et qui disait qu'il était totalement exclu que chez Freud il y ait eu une téléologie, une intentionnalité, etc. Et donc, je me suis acharné à pointer dans le résumé qui commence mon bouquin, toutes les occurrences du terme « absicht » ou « absichtlich », qui veut dire, n'est-ce pas, on va traduire « intentionnel » ou « intentionnellement », n'est-ce pas, avec une visée déterminée, qui montre bien que chez Freud, il y a une téléologie complète de l'organisme. Il y a une téléologie qui ne fait aucun doute, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'adapter. On est dans une biologie finalisé par la tâche de l'adaptation. Et que, bien sûr, les moyens de s'adapter sont des moyens qui ne sont pas finaux, ce n'est pas des causes finales qui sont opérantes au niveau des organes, hein. On ne s'adapte pas de manière finale comme ça, mais il y a une intention et une intentionnalité généralisée qui traverse l'organisme vivant. Et c'est là aussi la raison pour laquelle j'ai marqué à chaque fois dans mon résumé le moment où il parle vraiment de l'intention du rêve, de l'intention désirante, etc., pour qu'on voit bien que Freud était pris dans cette problématique-là. C'est la raison aussi pour laquelle il y a dans ce Freud-là un recours massif à la notion de défense. Parce que là où il y a projet finalisé, il peut y avoir défense. Alors, défense contre la réalité, défense contre l'émotion qui sont trop fortes, etc. Mais tout un système défensif pour maintenir le système d'homéostasie de l'organisme, pour l'adapter, etc., etc. Alors c'est ça qui est devenu, je crois, en dehors des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, mais qui sont nombreux, hein, les freudo-lacaniens ne se rendent absolument pas compte que c'est totalement incompatible, une notion de ce genre, une téléologie de la défense darwinienne dans l'organisme, avec la doctrine du signifiant. C'est totalement hétérogène. Il ne peut pas y avoir de freudo-lacanisme pour cette raison toute bête, c'est que vous ne pouvez pas utiliser le concept de défense dans une conception lacanienne. Le sujet ne se défend pas. Le sujet lacanien de l'inconscient ne se défend pas, il ne peut pas, il n'est pas, si j'ose dire, l'agent des gestes psychiques de survie qu'il est quand il est la monade freudienne. Lorsque on parle de défense, c'est incasable dans une problématique du signifiant où un sujet est purement et simplement coincé dans une injonction. Une demande que lui fait l'autre, une demande imaginaire que fait l'autre. Et il n'est pas en train de se défendre, il est bien au contraire complètement pris, complètement exposé dans le paradoxe de la demande imaginaire de l'autre. Se défendre, même l'usage du terme réflexif, n'a aucune espèce de sens dans une logique d'un sujet qui ne cesse de naître de manière permanente au signifiant et qui est représenté, hein, d'un signifiant par un signifiant pour un autre signifiant. Là, quand il est représenté, il n'y a aucun moyen de dire « Ah non, ce signifiant, moi, j'en veux pas. Hein. » Il n'y a aucune espèce, il ne se défend pas contre quelque chose. Il n'y a pas d'espace conceptuel pour se défendre. Mais ce n'est pas à partir de ça viennent les symptômes. Ben, vous pouvez le dire. C'est de ça que viennent les symptômes, mais lorsque, par exemple, vous avez, je sais pas moi, mettez que vous faites une phobie de quelque chose, est-ce que vous allez dire que... Si vous dites que votre phobie, c'est pour vous défendre d'une angoisse inconsciente sur quelque chose qui est... Vous ne pouvez pas rien ne vous le prouve. C'est une manière de vous situer épistémologiquement et philosophiquement avec une certaine idée du sujet, vous vous défendez, qui est complètement incompatible avec l'idée qu'au fond, la phobie, pourquoi c'est tombé sur, je sais pas moi, l'araignée, ou sur, je prends des phobies beaucoup plus spécifiques, le ballon, hein, que parce que un ballon, pour prendre un exemple de phobie d'enfant qui m'a énormément frappé, il se trouvait que le ballon, c'était la photo de la maman enceinte que le père avait découpée de façon à ce qu'on ne voit plus que la demi-lune du ventre de la maman enceinte et qu'il avait accroché sur la porte des toilettes. Et c'est trouvé que le gamin se trouve comme ça. Donc quand on emmenait le gamin dans les fêtes d'enfants, n'est-ce pas, dès qu'il y avait un ballon, il était pris d'angoisse paroxystique, il fallait quitter parce qu'il avait peur qu'avec une aiguille, bam, ça éclate. Est-ce qu'il se défend là de quelque chose ou est-ce qu'il est pris dans une imaginarisation d'un certain nombre de signifiants qui ont trait à la fécondité, à la mort, à la disparition, etc., qui fait que simplement son imaginaire est capté, avalé par ce dispositif de signifiant, et que justement il ne se défend de rien du tout. C'est nous qui projetons sur l'enfant une sorte de combat imaginaire contre quelque chose qu'il aurait à l'intérieur de lui, alors que ça se dissout du jour où, en séance, vous prenez la photo de la maman et vous mettez avec du scotch le scotch pour recoller le ventre sur la maman, et où le gamin s'en va guéri. Et là, c'est difficile de dire qu'il a arrêté de se défendre. Si en plus c'est une interprétation, ça ne se rend même pas compte qu'on l'a fait. Quoi. On prend la photo de la maman que le papa vous a apportée, et puis vous le scotchez. Puis le gamin a une sorte de soulagement complètement, etc. Puis voilà, puis la phobie est partie. Quoi. Et sans qu'il y ait eu un effort, une détente psychique, etc. C'est un évanouissement dans la reconnexion. Bon, j'exagère un peu, mais parce que c'était plus compliqué que ça. Oui, de le remettre avec sa mère. Oui, mais c'est un acte, oui, bien sûr. Mais voyez bien que là, c'est la reconstitution d'une chaîne signifiante tronquée qui n'a rien à voir avec la fin d'un effort de défense. En tout cas, je ne sais pas comment vous le faire valoir ce point, mais il me semble que tout usage réflexif d'un verbe comme « se défendre », par exemple, est incompatible parce qu'il suppose trop d'agents, trop de d'agents du verbe « se défendre », vous voyez, trop de moi, avec la conception lacanienne du sujet. Où le sujet est essentiellement ce qui va être représenté dans la chaîne signifiante. Et où il n'y a absolument pas la place de cette espèce de combat, de lutte particulière. Si ça ne vous est pas sensible encore, je peux essayer de vous le donner avec un autre exemple. C'est la différence incalculable entre l'Œdipe freudien et l'Œdipe lacanien. Voilà. Dans l'Œdipe lacanien, l'enfant est fondamentalement quelqu'un qui est séduit, qui c'est irrésistible, la séduction maternelle. Hein, c'est une pauvre chose qui est complètement prise, etc. Dans l'Œdipe freudien, cette espèce de monstre qui ne rêve qu'un truc, c'est d'égorger son père pour violer sa mère, cette espèce de boule de violence qui est véritablement l'agent d'un certain nombre de ses actes, n'est-ce pas, et qu'il faut menacer de la castration la plus sanglante pour le remettre à sa place. Et on ose à peine se mettre à table avec un gamin dans la famille Freud, n'est-ce pas. C'est quand même le truc... chez Freud, chez Lacan, c'est vraiment la pauvre chose qui est complètement, vous voyez, sans aucune espèce de résistance possible par rapport au son de la voix, à la chanson, à la comptine. Il est pris, vous voyez, il n'a aucune... Vous voyez, ouais. C'est des pôles qui sont un peu du même ordre. Alors, ce que je vais j'avais encore de quoi parler 4 heures, mais c'est pas grave, c'est la mauvaise partie que vous avez. Comme ça, je pourrais me dispenser d'en parler. Ce que je voulais essayer de mettre ensemble, c'est d'essayer de comprendre comment Freud a pu avoir à la fois des critères d'identification du désir qui relevaient de cette psychobiologie darwinienne et l'opposition principe de réalité, principe de plaisir est entièrement pris dans ce qu'on appelle à l'époque le darwinisme, hein, appliqué à un organisme vivant en général. Et puis de l'autre côté, cette insistance sémantique sur le fait que ce sont des dispositions qui s'actualisent aussi bien dans le rêve tel qu'il est rêvé que dans les associations à propos du rêve. En sorte qu'il y a des associations qui sont fécondes et qui sont non pas celles qui parlent du rêve, mais qui procèdent des mêmes sources que les sources du rêve. Vous voyez, le critère de la bonne association, c'est pas qu'elle prend comme référence le rêve, c'est qu'elle part des mêmes sources qui ont inspiré le rêve. Et que donc, effectivement, on peut tout à fait passer du coq à l'âne quand quelqu'un vous raconte un rêve. L'expérience qu'on fait couramment, c'est qu'ensuite il arrête de parler du rêve, mais il continue à parler. Et que les associations sont bonnes dans la mesure, non pas où il parle du rêve, où il explique son rêve, mais dans la mesure où ce qui est mis en œuvre par les déplacements, les nouvelles associations qui viennent, renvoie aux mêmes sources que celles qui se rattachent à un rêve. Donc c'est ça qui fait leur qualité. Comment les deux choses peuvent être mises ensemble ? Elles peuvent être mises ensemble au sens où, en un sens qui est déjà celui du rêve selon Aristote. Et ça, c'est une chose que Freud a très bien vue dans ses lectures, qu'il y a quelque chose dans le rêve qui est l'actualisation d'une intention, mais qui en reste à l'intention. Une actualisation de l'intention, du désir, mais qui en reste au désir sans être le désir tel qu'il va devenir un acte dans le monde extérieur, se poser dans la réalité, à cause de la suspension de la motricité et de la paralysie de la volonté. Alors ça, c'est quelque chose que moi, je voulais mettre très fortement en évidence dans mon travail sur l'interprétation du rêve. C'est une conception aristotélicienne. Pourquoi ? Parce que elle évoque très directement la définition que Aristote donne du mouvement. Le mouvement, dit Aristote, c'est l'acte de la puissance en tant que puissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en puissance, et bien le mouvement, c'est l'acte de cette puissance en tant qu'elle est en puissance. C'est une définition qui est célèbre en particulier parce que Descartes s'en moque, en disant que c'est vraiment... si la science moderne commence à un moment, c'est en terminant totalement avec cette espèce de vitalisme du mouvement. Le mouvement est purement relatif. C'est la conception galiléenne du monde qui existe, n'est-ce pas ? Le mouvement, ça dépend de là où vous êtes. Si vous bougez en même temps que le mobile, il n'y a pas de mouvement. Si vous êtes dans le même référentiel que le mobile, il n'y a pas de mouvement. Mouvement, c'est simplement une différence qui s'observe dans une différence de référentiel. Et donc la science moderne, elle est liée à l'évanouissement des définitions du mouvement en termes vitalistes. Parce que c'est quelque chose de vitaliste, de définir le mouvement comme une sorte de puissance, une puissance d'être, mais une puissance qui s'actualiserait en tant que puissance. De la même manière, si vous voulez, que chez Freud, il n'y a pas de réalisation de l'action, mais que l'intention, l'élan, en quelque sorte, l'élan qui donne, qui vectorise et qui donne son sens à cette expression, à cette manifestation expressive affective, eh bien, on lui enlève ce qu'elle est censée réaliser et on ne garde que l'intention. On ne garde que l'élan. On ne garde que le conatus, qui est dans la physique pré-galiléenne le nom de l'effort, n'est-ce pas ? C'est le pur effort, vous voyez, une sorte de tension comme ça, mais avant que le mobile ait commencé à se déplacer. Et c'est quelque chose qui est une interprétation du mouvement et de la vie des organismes qui fait Aristote est une interprétation qui se prolonge dans l'esprit, parce que C'est ça le problème de la physique aristotélicienne, c'est que tout est vivant, en quelque sorte. Et que comme c'est vivant, ben, à un moment, ça s'arrête. C'est-à-dire que le conatus s'arrête. Le grand problème, par exemple, des artilleurs de la Renaissance, c'est de savoir, il fallait que le boulet de canon qui sorte de la gueule du canon, eh ben, comme il est pensé en termes d'effort, le mouvement, il faut laisser un certain temps au boulet pour qu'il prenne de la vitesse. Si vous mettez, disent les artilleurs de la Renaissance, votre canon trop près du boulet, trop près du mur, il n'aura pas le temps de déplier son effort pour pouvoir atteindre le mur. Et donc, disent les artilleurs de la Renaissance, il faut toujours mettre les canons à une certaine distance pour laisser les boulets, voyez, déployer cette force. Et puis, c'est aussi la raison pour laquelle, quand vous tirez, quand vous lancez votre boulet, une fois que le boulet a quitté ce qui le propulsait, alors le problème, c'est de comprendre pourquoi il continue à bouger. Pourquoi il continue à bouger ? Puisqu'il a, quand il a quitté la main, pourquoi, quand vous lancez une pierre, quand elle a quitté la main, pourquoi continue-t-elle à bouger ? Et puis pourquoi elle continue à bouger ? Puis au bout d'un certain temps, elle retombe. Alors l'explication... C'est une explication qui a tenu pendant des siècles, hein, c'est l'explication par antipéristasis. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de l'antipéristasis. C'est-à-dire que pourquoi un poisson, par exemple, avance ? Un boulet se déplace dans l'air. Parce qu'il déplace de l'air. Mais comme le monde est entièrement plein, quand il pousse de l'air devant lui, où va se mettre l'air qui pousse ? Bah forcément, derrière, dans l'espace, c'est ça. Mais comme il se met derrière, il repousse le boulet un peu plus loin. Comme il le repousse un peu plus loin, l'air qui est devant repasse derrière. Comme il repasse derrière, il avance encore un petit peu. Alors voilà pourquoi ça continue. Mais, dit Aristote, ça c'est tant mieux, parce que c'est une explication qui ne permet pas de rendre compte du fait qu'au bout d'un certain temps, le boulet tombe. Parce que ça pourrait continuer comme ça. Alors pourquoi ça s'arrête ? Eh bien, parce que ça se fatigue. Parce que le mouvement, c'est une conception qui a duré d'Aristote jusqu'à Galilée. C'est-à-dire que là, vous êtes au cœur de ce que c'est que la perception, vous voyez, imaginaire du mouvement et du corps pour pendant 2000 ans. C'est pas du tout une... C'est l'antipéristasie, c'est une explication du mouvement. Le rêve, c'est tout simplement le mouvement du sensible dans l'âme. C'est-à-dire qu'il laisse le sensible de la veille, dit les restes d'urne, en quelque sorte, dit Aristote, entre dans l'âme, et au bout d'un certain temps, n'est-ce pas, il s'y épuise. Il se déplace dans l'âme, il suscite des représentations, il suscite des images, et au bout d'un temps, il s'épuise. Et c'est pour ça, dit Aristote, que les rêves sont finis. On ne passe pas toute sa nuit à rêver. Au bout d'un certain temps, ça s'arrête. Parce que même la perception est un mouvement. Et le rêve est lié à l'antipéristasis du sensible dans l'âme. Donc c'est un monde, vous voyez, un monde imaginaire extrêmement dense que celui dans lequel toutes ces choses-là se sont pensées. Eh bien, ce que ranime Freud, c'est ce monde-là. C'est l'idée qu'il y a un conatus quelque sorte affectif, quelque chose, un mouvement de l'affect, et que ce mouvement expressif et affectif, sans déboucher sur un acte, en quelque sorte, précisément parce qu'il ne peut pas y avoir de motricité à l'extérieur du corps, sans déboucher sur un acte, va laisser un certain nombre de traces dans l'esprit. Et le cœur de la difficulté est là, c'est de penser cet élan expressif et affectif comme étant la définition substantielle de l'accomplissement de désir, du Wunsch Erfüllung. C'est ce mouvement-là qui reste en intention, qui reste de l'ordre d'un désir, qui reste une intentionnalité, mais qui ne se traduit pas en une action, une intention sans sa réalisation en termes d'action. Et elle produit des images. Elle produit même d'autant plus d'images qu'elle ne débouche pas sur un acte. Alors je termine là ce soir. La prochaine fois, je ne sais pas si je vais le faire, parce que c'était une difficulté, je ne suis pas sûr que j'en ai vraiment besoin. J'avais fait préparer tout un développement sur le problème de l'analyse logique des énoncés dans lequel il y a le verbe rêver et le verbe désirer. Je verrai si ça peut être sauvé. Mais je crois que oui, parce que ça peut éclairer un petit peu les contraintes que font peser les expressions que nous employons pour parler du rêve. La grammaire de ces expressions en particulier, qui est tout à fait frappante. Bon, j'arrête là ce soir parce qu'il est...